La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Qui a peur du grand déclassement? C'est la question du cours de l'histoire aujourd'hui dans la série que nous consacrons aux inégalités. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Qui a peur du grand déclassement? Tout le monde craint de perdre sa position sociale pour une autre inférieure. Il est alors question d'ascenseur social. L'ascenseur monte et parfois il descend. C'est le cas dans Le Père Goriot, le roman d'Honoré de Balzac en 1842. Le Père Goriot connaît le déclassement quand Rastignac, lui, est en ascension. Mais chez Balzac, il n'est pas question d'ascenseur. Ben non, il n'existe pas encore. Allez, empruntons l'escalier social. Louis Chauvel, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quand il est question de déclassement, nous pensons souvent à la fortune, à une perte de fortune. Le déclassement est une chose beaucoup plus complexe. Il n'y a pas qu'une question d'argent. Oui, effectivement, la position sociale d'un individu, d'une famille, d'un groupe social même, c'est la composition de différentes dimensions. Il y a le niveau d'éducation, il y a le patrimoine, l'accumulation économique. Il y a tout un ensemble d'accumulation d'éléments de prestige dans des familles militaires. Devenir intellectuel, ça ne se fait pas ou ça ne se faisait pas à une certaine époque. Donc c'est la composition de tout un ensemble d'éléments positionnants, de dimensions. Et dans des sociétés grandes, et la société française était une société de rang au XVIIIe siècle, elle l'est encore d'un grand nombre de points de vue au XXIe siècle. Il n'y a qu'à voir les rangs de classement dans les grandes écoles. Ce sont des éléments où chaque famille se compare aux autres et chaque classe sociale se compare aux autres au regard de ces éléments de classement qui se cumulent les uns les autres ou qui rentrent en composition problématique, c'est-à-dire en distorsion. Par exemple, quelqu'un avec un très haut niveau de diplôme qui va déchoir par son mariage ou par sa société sociale va être vu comme marqué par un profond déclassement. D'autres cas de figure se présentent. Ils sont encore plus intéressants historiquement lorsque ce déclassement n'est pas le fait d'un individu particulier ou d'une famille en particulier, mais d'un groupe social entier, d'une nation, voire d'une civilisation, ce qui nous entraîne dans des directions qui ne sont pas sans rappeler Jared Diamond et Effondrement, son fameux best-seller mondial sur le grand déclassement des civilisations, qui est en fait l'aboutissement d'un très grand nombre de trajectoires individuelles et familiales qui rentrent en corrélation les unes avec les autres. Louis Chauvel, vous êtes sociologue, chercheur associé à Sciences Po, professeur à l'Université du Luxembourg. Vous êtes l'auteur d'ouvrages sur ce sujet qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, notamment « Le destin des générations, structures sociales et cohortes en France du XXe siècle aux années 2010 ». Et oui, c'est un ouvrage publié en 2010. Ou encore « La spirale du déclassement, essai sur la société des illusions ». Sociologue, vous travaillez sur le déclassement, vous faites œuvre d'historien parce que la question du temps est essentielle. Quel est ce temps? Le temps d'une vie? Le temps d'une génération? De plusieurs générations? En fait, ce temps, disons que quand on est sociologue, on s'intéresse plus en général à 3-4 générations mises en vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il existe une sociologie du 19e siècle où Balzac, Flaubert et bien d'autres, on peut même penser à Huysmans des Esseintes à la fin du 19e siècle. Il est intéressant de regarder sur 3 générations, sur 90 ans, ce qui peut se passer dans un pays, dans une civilisation. En fait, la situation du 19e siècle est intéressante parce qu'il s'agit avant tout de classement et de déclassement liés au patrimoine et au prestige de famille. Et dès lors, les faillites que l'on lit chez, par exemple, Balzac en masse, Balzac lui-même, dans la rue du Chat qui pelote, a connu une faillite de son imprimerie qui lui a coûté très cher en termes de classement relatif. Ce qui est intéressant, c'est de comparer un 19e siècle patrimonial à un 20e siècle où les questions sont avant tout salariales. Et en fait, quand on s'intéresse aux trois dernières générations, c'est-à-dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour le dire assez vite, nous avons une singularité de l'histoire extrêmement intéressante qui est celle d'une ascension de masse, en quelque sorte un surclassement de masse. Un des ouvrages les plus intéressants, l'un des romans les plus intéressants à ce sujet, c'est par exemple « Les choses » de Pérec, qui permet de voir l'écart qui peut exister entre la génération qui a une vingtaine d'années au milieu des années 1960 et qui bénéficie d'un mouvement de mobilité sociale ascendante extraordinaire. Ça a été le cas d'un grand nombre des camarades de Georges Perec lorsqu'il écrit cela au début des années 1960. Et le contraste avec les difficultés sociales extrêmes de la génération des parents, la crise des années 30, la Première Guerre mondiale avant, la Deuxième Guerre mondiale après, la Shoah, tout un ensemble de destructions de masse qui ont été aussi des destructions de trajectoires individuelles et familiales, ça permet de voir comment le XXe siècle a été une période de chute et de rétablissement pour la plupart des pays européens, pour la plupart des pays occidentaux. C'est absolument extraordinaire. Et cela permet d'illustrer, par contraste, aujourd'hui, les difficultés croissantes des jeunes générations à valider dans le monde du travail des diplômes beaucoup plus élevés. Le déclassement d'aujourd'hui, on en reparlera très certainement, le déclassement d'aujourd'hui, c'est le fait de jeunes générations qui sont éduquées, qui ont reçu 3-4 années d'études supplémentaires par rapport à leur, mais qui, au même âge, se trouvent dans une précarité vis-à-vis du logement, d'une précarité du travail, les statuts n'étant plus ceux qu'ils étaient dans la recherche, dans le journalisme ou dans tout un ensemble de positions sociales pour des jeunes d'une trentaine ou d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Et nous connaissons aujourd'hui comme le contre-coup. Dans un langage fleuri, on parle du backlash social, de l'ascension sociale qui a été celle des générations qui aujourd'hui ont 70-80 ans, c'est-à-dire les générations qui avaient 20 ans en 1968 et qui ont bénéficié d'un surclassement historiquement exceptionnel à l'échelle de ce qu'on sait mesurer en sociologie. Eh bien justement, cette question de génération est au cœur de tout ce qui nous intéresse sur le déclassement. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Claude-Isabelle Brelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière, Lyon 2. Vous êtes l'auteur de La noblesse réinventée, noble de Franche-Comté de 1815 à 1870, une démarche passionnante que vous avez menée sur la noblesse avec cette question. Mais comment se construit le déclassement? Y a-t-il déclassement? Comment le percevoir? Expliquez-nous, Claude-Isabelle Brelot, quel était votre intérêt en étudiant la noblesse de Franche-Comté? Eh bien, la noblesse, au sortir de la Révolution, a connu une période de restauration, dans ses propriétés, restauration dans son mode de vie, restauration de la vie sociale, dans le contexte d'une certaine fluidité sociale qu'on observe jusqu'aux années 1820-1830, et même parfois au-delà. Et donc, la noblesse se restaure, elle se réinvente au plan culturel, dans une culture spécifique qui est celle de l'ancien second ordre. Et puis, les années, les décennies suivantes sont parfois des années plus difficiles, des années dans lesquelles, au cours desquelles, quelques familles, une minorité à vrai dire, connaît une diminution de fortune, voire un appauvrissement voire un véritable déclassement. La notion de déclassement pour la noblesse est quelque chose de valable déjà avant la Révolution. Claude-Isabelle Brelot, tout le monde a peur de perdre son statut social. C'était déjà prégnant dans ces milieux-là. On a toujours peur de perdre ce qu'on a de toute façon. Effectivement, on peut perdre la noblesse. La société d'Ancien Régime le sait bien, puisqu'il existe en Bretagne une noblesse dormante, puisque également, sous le règne de Louis XIV, les édits de Colbert ont mis en œuvre la grande réformation de la noblesse, qui précisément visait à repérer ceux qui s'étaient déclassés et ceux qui étaient entrés dans la noblesse. En fait, la noblesse n'est pas un groupe social verrouillé, défini une fois pour toutes. On peut y accéder, on peut aussi la perdre. La noblesse est une nébuleuse compliquée, aux contours flous, aux contours mouvants, poreux, et il y a d'incessants mouvements d'entrée et de sortie sur ces contours flous de la nébuleuse nobiliaire. Et justement, pour les nobles, le moment majeur de ce désenchantement qui est lié au déclassement est la Révolution française. Dis-leur ! Nous mettons en vente aujourd'hui le mobilier de l'Autrichienne. La salope ! Sommes d'accord. Voici le canapé, les fauteuils et les chaises de la femme du gros cochon. Qui a trahi la France ? Je ne dis pas le contraire, citoyen, mais il ne s'agit pas de ça. Voilà donc le mobilier de Marie-Antoinette. J'en voudrais pas chez moi. Tu ferais mieux de le brûler. Tu crois que ce serait malin, espèce d'imbécile? Nous le vendons pour deux raisons. Pour qu'il disparaisse, d'abord, et pour que l'argent que ça vaut nous revienne à nous, qui sommes le peuple. À nous, que ces salauds-là font crever de faim depuis 300 ans. Depuis toujours. Du mobilier de l'Autrichienne, nous demandons 4 sous, 300 francs. Qui dit mieux? 400 francs. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Il a de l'accent. C'est l'étranger. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Monsieur a dit 400 francs. Qui dit mieux? 500. 500 francs, c'est un bourgeois. 600 francs. 700. 800. Pourquoi vous en voulez des meubles de l'Autrichienne? Parce qu'ils sont jolis. I never saw such beautiful furniture in my life. Ah bah oui, ils sont jolis. Si Versailles m'était compté, le film de Sacha Guitry en 1954, qui évoque la Révolution française et la vente des biens. Louis Chauvel, ce regard que vous portez sur le déclassement, ici, nous le voyons, porte sur le bien, sur le patrimoine. Pour vous, ce déclassement au 19e siècle est vraiment lié au patrimoine. Il y a quelque chose comme un focus qui correspond en fait à la propriété qui est sacrée. D'un côté, il y a la propriété. Juste à l'instant, on a parlé de la noblesse et en quelque sorte de son progressif déclassement dans la société bourgeoise du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Parmi les indicateurs, c'est par exemple la raréfaction des noms à particules dans les assemblées nationales, censitaires d'abord et ensuite démocratiques, au long des deuxième, troisième et quatrième républiques, c'est-à-dire que un tiers de assemblées du début de la troisième république était porteur de noms à particules, alors que à partir de la quatrième république, on est autour de 2-3%. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la disparition de la noblesse parmi les personnes qui parmi les législateurs de la société. Mais on observe exactement la même chose du point de vue du type de patrimoine. À tout seigneur, tout honneur, je pense qu'il faut remonter, par exemple, au capital, non pas de Marx, mais de Thomas Piketty. Au chapitre 3, il y a un très beau graphique qui montre la disparition, enfin la perte de substance des biens terriens au long du 19e siècle, c'est-à-dire que... au début du 19e siècle, les terres représentaient 4 années de produit intérieur brut, alors que dans les années 1910, on est descendu à quelque chose comme quelques mois. C'est-à-dire que les terres qui représentaient un bien classant extrêmement rentable au début du 19e siècle encore, a perdu toutes ses ressources. Et la classe sociale qui collectivement vivait là-dessus a vu perdre sa position relative par rapport aux petits bourgeois et aux grands bourgeois qu'on trouve ensuite chez Balzac d'abord, chez Zola ensuite, avec des mouvements d'ascension et de chute sociale retentissantes, là encore, les faillites, les pertes de patrimoine, les dettes qui s'accumulent sans actifs en face. Ça a marqué la vision du déclassement de tout le monde post-noble et bourgeois, petit bourgeois ou autre ensuite. Et effectivement, la détention d'un petit capital, enfin partout à toutes les pages de Balzac, on a un tel dispose d'une rente de tant de milliers de livres, et à la fin du roman, il se retrouve avec 1500 francs de rente annuelle, c'est-à-dire à peu près rien du tout. De quoi survivre, évidemment, et ces gains et ces pertes de patrimoine sont la ressource centrale. Mais ça revient à un fait social extrêmement important, qui est que la structure sociale du 19e siècle est une structure sociale fondée avant tout sur la détention de patrimoine grand ou petit moyen, alors que la structure sociale après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la structure sociale des classes moyennes salariées qui ont émergé après la Deuxième Guerre mondiale dans le contexte de l'ascension de l'État-providence, de la fonction publique, de la haute fonction publique et de la petite fonction publique, et des grandes entreprises à statut qui ont totalement transformé les règles de classement dans la société française. Au XIXe siècle, c'était important pour les familles nobles, par exemple, de disposer d'avoir un enfant qui réussisse Saint-Cyr, l'école polytechnique, éventuellement l'école libre des sciences politiques à la fin du XIXe siècle. Mais le diplôme, par exemple, au XIXe siècle, n'était pas la ressource centrale d'un individu. Pour un jeune bourgeois de 20 ans, il était important d'être étudiant, mais que l'étudiant gagne son diplôme ou non, n'allait pas changer profondément sa position relative, à condition qu'il ne ruine pas sa famille avec des dettes délirantes, comme on le voit par exemple dans Balzac encore, Le cabinet des antiques ou d'autres. En revanche, à partir du milieu du XXe siècle, le diplôme devient une ressource absolument déterminante. J'ai parlé tout à l'heure de Pérec Les Choses. Un autre roman extrêmement important de ce point de vue-là, c'est Mort à crédit de Céline, où Céline, le narrateur est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Céline raconte la chute sociale de ses parents petits bourgeois disposant d'abord d'une boutique dans le nord de Paris, dans les galeries marchandes, en chute là encore sociale à l'époque, et qui devient petit employé dans une maison d'assurance à Beipay ou un équivalent Coccinelle Vie. Et le père donc compte son déclassement régulier à l'endroit par rapport à l'ascension sociale de jeunes cadres dynamiques dangereux titulaires d'une licence, ce qui est l'équivalent certainement pour nos générations d'un MBA d'une université de la Ivy League. Et ces relations intragénérationnelles, c'est-à-dire de descente sociale en termes de carrière ou d'une génération à l'autre, d'enfants de classe moyenne bien placés qui perdent progressivement leur statut économique et leur statut social, sont des choses qui sont porteuses d'une angoisse sociale extrême, d'une angoisse sociale d'autant plus violente en réalité qu'il y a des éléments factuels, des faits sociaux tangibles qui permettent de les documenter. Merci Louis Chauvel en tout cas de bien mettre en avant l'importance de ces documentations chiffrées et des sources littéraires. Et d'ailleurs, puisque Balzac a été souvent cité depuis le début de l'émission et à propos systématiquement, il faut retrouver Vautrin. Écoutez, Vautrin parle à Rastignac. Je vais vous éclairer, moi, la position dans laquelle vous êtes. Mais je vais le faire avec la supériorité d'un homme qui, après avoir examiné les choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que deux partis à prendre. Ou une stupide obéissance, ou la révolte. Voilà le carrefour de la vie, jeune homme. Choisissez. Vous avez déjà choisi. Vous avez été chez notre cousin de Beauséant et vous y avez flairé le luxe. Vous avez été chez Madame de Restaud, la fille du père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là, vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front, et que j'ai bien su lire. Parvenir. Parvenir à tout prix. Bravo, ai-je dit. Voilà un gaillard qui me va. Voilà, c'est Vautrin qui cause avec Rastignac dans Le Père Goriot de Balzac, roman de 1842, Claude-Isabelle Brelot. La noblesse que vous avez étudiée au 19e siècle conserve, et c'est une évidence, une place essentielle dans la société, avec toujours cette peur du déclassement. Comment identifie-t-on les signes du déclassement au-delà simplement de la perte de fortune ? Eh bien, il y a de très nombreux indicateurs du déclassement quand il existe, au-delà de l'appauvrissement, de la diminution de fortune ou même de la pauvreté bien réelle dans laquelle tombent quelques-uns à la marge du groupe. L'exercice d'une profession salariée peut être un indicateur du déclassement, encore qu'il faille bien mettre au compte, qu'il faille bien prendre en compte le fait que la fonctionnarisation de la noblesse, d'une partie de la noblesse, est un moyen de résistance au grand déclassement des rentiers du sol à la fin du XIXe siècle, lorsque le montant des fermages se trouve érodé et lorsque la terre vaut beaucoup moins qu'elle ne valait au début du XIXe siècle. Reste que les emplois de l'État, les emplois des entreprises privées sont donc un recours pour la noblesse du XIXe siècle, même si, dans les toutes premières années du XIXe siècle, le noble ressent comme une honte le fait de recevoir un salaire, de fait de travailler et de recevoir le prix de son travail, leur amour propre, leur orgueil de caste, et se trouve froissé. Et c'est effectivement là une chose importante. Mais enfin, donc il y a ambivalence hein, dans la fonctionnarisation parce qu'elle est à la fois, elle peut être à la fois un indicateur du déclassement, mais aussi un moyen de reclassement. Combien de fils de famille plus ou moins décavés redressent leur situation précisément en faisant une belle carrière militaire ou dans la fonction publique. Oui, la diplomatie est essentielle. Et puis dans les stratégies, alors pour lutter contre le déclassement, de reclassement dirons-nous, il y a aussi les alliances. Et ça, c'est essentiel dans ce que vous avez pu étudier sur les parcours des nobles, Claude-Isabelle Brelot. Alors effectivement, le mariage est l'un des points d'observation hein, du déclassement. Les filles sans dot ne sont pas mariées, elles demeurent célibataires. Elles surviennent à leur existence, tant bien que mal, en accédant à une direction d'un bureau de poste, par exemple, grâce à une recommandation d'un ami ou d'un parent bien placé. Autre situation à observer, les familles dans lesquelles toute une génération conclut des mariages roturiers avec inégalité de fortune, inégalité de statut entre le fils ou la fille de famille et son conjoint. Et puis, bien sûr, il y a les mariages fortunés, les mariages d'argent, les mariages américains à l'extrême fin du XIXe siècle, qui sont un moyen de redorer le blason, mais qui ne sont pas des issues après coup, s'avèrent totalement fiables. Hein. Combien de mariages américains ou de mariages richissimes se termine par une séparation, par un divorce et par un scandale mondain qui entache la réputation de la famille. Et dans notre regard sur l'histoire du déclassement, du temps long, hein, de la fin du XVIIIe jusqu'à nos jours, nous sentons bien, Louis Chauvel, que le contexte tel qu'il est décrit avec la noblesse qu'a étudié Claude-Isabelle Brelot n'est plus le même au XXe siècle avec l'apparition d'un monde étrange et particulier qu'on appelle la classe moyenne. Il y a un changement de société qui rend la définition même du déclassement un petit peu différente. Louis Chauvel, êtes-vous avec nous? Pardon, en fait, j'attendais un son illustrant cette dynamique-là. Excusez-moi, voilà. Le point important, c'est qu'en fait, nous avons plusieurs phases dans l'histoire. L'Ancien Régime et la propriété des terres qui était la ressource principale avec la guerre qui ont illustré de part et d'autre la noblesse. Le 19e siècle industriel a été en quelque sorte le grand remplacement, si vous me permettez l'expression, de la noblesse par la haute bourgeoisie et par le progressif déclassement des personnes, des familles pour qui la ressource centrale c'était la terre. Et comme vous l'avez dit, le corps diplomatique, les relations internationales déjà tissées par la noblesse française, qui est aussi une classe internationale, permettaient à une partie de la haute noblesse, notamment, de retrouver une position relative, où bien évidemment le patrimoine restait la ressource absolument centrale. On parle d'une époque de cette époque au 19e siècle où progressivement l'aristocratie était expurgée du faubourg Saint-Germain qui avait été jusqu'à présent son lieu central d'existence avec Versailles qui s'était en partie effondré avec la Révolution. Nous avons une troisième période qui s'ouvre au milieu du XXe siècle, qui n'est non plus l'Ancien Régime, qui n'est non plus l'industrialisation, qui est en fait l'ascension d'une société de service, d'une société tertiaire, d'emploi qualifié, d'emploi à statut, c'est-à-dire que sans être fonctionnaire, des salariés de classe moyenne du privé bénéficiaient d'une visibilité de l'avenir. C'est aussi l'État-providence qui offre des droits sociaux à l'ensemble des catégories salariés stables, pas simplement la classe ouvrière, pas simplement la haute fonction publique ou la moyenne fonction publique. Ce sont aussi les salariés standards situés au milieu de la structure sociale qui ont connu l'émergence d'un printemps d'une nouvelle civilisation de classe moyenne qui, dans les années 1950, 1960, 1970, se trouve être à la fois inattendue et radicalement neuve pour les gens qui en ont bénéficié. Le point important dans cette histoire-là, c'est que à chaque étape des transformations, des groupes sociaux entiers disparaissent dans ces transformations-là. La noblesse au XIXe siècle connaît son déclassement qui va demander plusieurs générations. On se rappelle ce que Tocqueville en avait dit, la surfécondité de la noblesse, le fait que l'héritage égalitaire hérité de la Révolution, tout cela a cassé les grands domaines qui étaient fondateurs de la noblesse en toute petite propriété. C'est aussi la vente des biens de la noblesse à l'issue de la Révolution. À la Révolution, en fait, ce déclassement de la noblesse a accompagné aussi un déclassement massif de la bourgeoisie, haute bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, dans le contexte des années 1950, 1960, 1970. Ce qui est intéressant pour comprendre ces dynamiques-là, c'est de voir les prix relatifs des biens, des actifs, ou tout simplement du mètre carré, au fur et à mesure de l'histoire, par exemple, du XXe siècle et d'avant. Par exemple, en 1980, un agrégé du secondaire à Paris pouvait, avec une année de salaire, acheter 9 mètres carrés dans Paris. Maintenant, le même salaire, une année de salaire d'un agrégé du secondaire à Paris, ne permet plus d'acheter que 3 mètres carrés. En fait, les équilibres entre patrimoine et salaire se déplacent. Au cours des années 1960, au plus ou moins 10-15 ans, le salaire a déclassé le patrimoine en permettant à des salariés de classe moyenne de se loger d'une façon extrêmement confortable par rapport à ce que leurs parents avaient connu 30 ans plus tôt au même âge. Aujourd'hui, les jeunes générations de salariés de classe moyenne font face à des transformations extrêmement lourdes où les gains acquis par les classes moyennes salariées des années 70 s'évaporent progressivement. Cette augmentation, cette multiplication par 3 du prix du mètre carré à l'achat d'un logement par rapport au salaire réel pratiqué aujourd'hui, multiplication par 3 à Paris en moyenne, par 5 dans le 7e arrondissement. Plus personne ne peut se payer le 7e arrondissement sur la base de salaire, même des salariés de banque issus de l'Inspection générale des finances. Ce sont des multiplications par 2 à Strasbourg, dans les grandes villes de région. Mais pour les petites classes, pour les villes moyennes, les villes moyennes décrites par Balzac, Rochefort, bien d'autres encore, vous avez effectivement une baisse du prix du mètre carré qui plombe les petites classes moyennes de villes moyennes de province qui aujourd'hui connaissent cette forme de grand déclassement au travers du problème de la France périphérique, comme le dit Guy Lui. Et la question des générations, parce que Louis Chauvel, dans tout ce que nous disons, et vous avez évoqué cette génération des années 60, mais dites donc, dès lors, un mot apparaît, c'est celui de boomer. En 2019, une jeune députée, elle a 25 ans, au Parlement néo-zélandais, s'adresse pour défendre l'urgence climatique. Il faut alerter sur ce qui se passe. Elle est interrompue par un député bien plus âgé, et elle a ce mot, cette expression, OK Boomer, qui est devenue une chanson par Carlito et McFly, qui nous explique ce que signifie ce OK Boomer. OK Boomer, l'expression envahit le web depuis quelques jours. Alors si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ben c'est parce que vous en êtes un Boomer. Les jeunes d'aujourd'hui, leur musique c'est que du boom boom. OK Boomer. Toujours la tête dans leur smartphone, savent même plus que c'est qu'un bouquin de mon temps. On savait faire la fête. OK Boomer. Faut des bonnes notes à l'école pour réussir sa vie. Être allergique au gluten, c'est à la mode. OK Boomer. C'est à cause des jeux vidéo que les jeunes d'aujourd'hui sont violents. Un enfant c'est un papa, une maman. OK Boomer. Allez, c'est parti mon kiki. Oh. OK Boomer. OK Boomer, dans tes boomers t'es plus à l'heure. Change ton humeur, rien que ta peur. Change les mœurs, trouve-toi une victime ailleurs. OK Boomer. La classe à Dallas. OK Boomer. En avant Guingamp. OK Boomer. A plus dans le bus. OK Boomer. Y'a plus de saison. OK Boomer. En bas laissé peser. OK Boomer. Papy guet des hannetons. OK Boomer. Cool Raoul, OK Boomer. J'ai dit cool Raoul, OK Boomer. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas comprendre, t'es trop jeune. Tu peux pas comprendre, t'es trop vieux. Et ben voilà, OK Boomer par Carlito et McFly dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Oui, aujourd'hui le cours de l'histoire s'intéresse au déclassement. Cette question du déclassement est une question aussi d'incompréhension ou de compréhension entre les générations. Claude-Isabelle Brelot, dans votre étude sur des trajectoires familiales, notamment sur la noblesse, il y a cette question de génération qui est en vérité essentielle, et le déclassement et la peur que ces enfants n'aient pas la même situation que nous pouvons avoir. Il y a la question de compréhension, de rejet de ce qui a été fait auparavant. Cela se traduit aussi au 19e siècle que vous avez étudié. Effectivement, l'étude historique du déclassement dans un groupe bien précis passe par l'étude des études intergénérationnelles, des études longitudinales à l'échelle de la micro-histoire, donc dans des corpus forcément très limités. En réalité, l'incompréhension entre les générations est assez rarement observée dans le contexte du déclassement d'un individu, tout simplement parce que la noblesse qui a gardé son excellence mondaine, son excellence éducative, qui garde une supériorité mondaine jusqu'en plein XXe siècle, la noblesse reste très fidèle à ses principes éducatifs, et on voit donc assez peu de fils révoltés contre leur père, en tout cas pas véritablement. Ils savent bien qu'ils dépendent en définitive de la décision paternelle de payer ou pas les dettes de jeu, les dettes faites dans la société parisienne au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Donc des révoltes du fils contre le père, il en est peu, elles sont rares. En réalité, si incompréhension il y a, c'est une incompréhension qui aboutit à un silence définitif, à une rupture définitive des relations. Je vais évoquer cette fille d'un gentilhomme qui a connu de grands déboires dans la valorisation de ses propriétés sous la monarchie de Juillet. Les trois filles finissent totalement pauvres. L'aînée a rompu totalement avec sa famille. Elle a quitté sa province d'origine pour aboutir, je ne sais dans quelles conditions, dans la ville de Brest. Et la dernière meurt colporteuse dans une auberge de la Haute-Saône, et elle ignore tout à la fois du sort de sa sœur aînée, et elle a perdu toute relation avec sa famille. Mais si vous voulez, cet isolement du déclassé, il n'est pas le fait d'un conflit intergénérationnel, il est le fait bien davantage de la chape de plomb du silence qui s'abat sur le déclassé, qui perd tout, y compris ses relations familiales, y compris ses relations de cousinage plus ou moins lointain. Bien sûr, vous me direz que le déclassement s'accompagne de très nombreux procès de famille. Dans telle famille, le sous-préfet dénonce 50 procès de famille, mais ces procès de famille, ils ne sont pas liés à l'incompréhension. Ils proviennent tout simplement de conflits autour de l'argent, de conflits pour savoir qui finalement aura droit à l'indemnité du milliard des émigrés en 1825. Et c'est là qu'est le nœud. Il n'est pas dans une incompréhension absolument complète. Bien au contraire, les déclassés restent très fiers de leur noblesse et on observe chez eux souvent, à la première génération du déclassement, des réactions identitaires très fortes. Je pense par exemple à cet ancien officier en retraite, devenu économe de l'hospice de sa ville, qui sous le Second Empire, étant témoin du mariage d'un cousin, se déclare écuyer, comme si on était encore sous l'Ancien Régime, la qualité d'écuyer étant indicateur de noblesse, sinon récommunicative de noblesse. Voilà, donc avoir sa noblesse, c'est vrai que c'est un capital social magnifique, même si on n'a plus d'argent. Et dans l'étude de ce déclassement, si nous nous portons au XXe siècle, la classe moyenne n'est pas porteuse de ce capital symbolique hérité avec un très beau nom. Elle est porteuse d'autres espoirs, d'autres réflexions, et notamment, le plus beau des capitales, l'éducation, mais là aussi, il y a risque de déclassement. L'instituteur a été socialement dégradé. C'était un personnage, l'instituteur. C'était un homme qui était respecté. On en a vu un certain nombre, les hussards noirs de la République, comme on les appelle. Ce sont des gens qui ont fait un travail absolument considérable. Et au fur et à mesure que le temps passait, que les générations arrivaient les unes sur les autres, deux guerres là-dessus, l'instituteur maintenant est devenu une sorte d'anonyme. Autrefois, il y avait le curé et l'instituteur dans les villages. C'était les deux personnages, n'est-ce pas? Quelquefois, il y avait un châtelain, mais c'était très très peu de gens qui avaient de la considération. Et ils se sont battus très longtemps pour alphabétiser les gens. Moi, j'ai été professeur d'école normale pendant 25 ans. Je crois que j'ai formé des gens honorables qui font très bien leur travail. Mais il y a aussi cette espèce d'échelle, cette espèce d'hiérarchisation là chez les enseignants, à tel point que même dans une école, on dit le petit maître et le grand maître. Le grand maître, c'est celui qui fait le CM2, par exemple, ou alors celui qui est le directeur, par exemple. Hein. Il y a une espèce de hiérarchisation. C'est Pierre Jacques Elias, hein, l'auteur du Cheval d'Orgueil, qui s'exprimait en 1981 sur le déclassement des instituteurs. Louis Chauvel, dans l'image que l'on nous a vendue pendant très longtemps de la méritocratie par le travail, par le diplôme, il y a eu pour énormément de familles cette idée que les enfants avec le certif, avec le bac, auraient une vie meilleure. Aujourd'hui, comment analysez-vous cet espoir, cette idée que le diplôme peut donner une vie meilleure? Oui, c'est sûr que si on remonte à Jacques Elias et même à Jules Vallès, très longtemps avant, à la fin du 19e siècle, le bachelier, le baccalauréat, parce que je pense au roman le bachelier, le baccalauréat a progressivement, au cours du temps, perdu sa position classante. C'était une position exceptionnelle au début du 20e siècle, lorsque moins de 10 000 diplômes du baccalauréat étaient diffusés par an. Là, on a dépassé le cap des 500 000 par an il y a quelques années. Nous sommes effectivement sur des nombres complètement différents et donc un risque évident d'inflation des diplômes, une expression qui fait encore objet de débats. Mais la réalité, on peut le documenter très clairement en contrastant des générations qui ont environ 70 ans aujourd'hui et la génération de leurs enfants et a fortiori de leurs petits-enfants sur le caractère positionnel du diplôme dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que si vous rappelez par exemple les choses de Georges Perec, Jérôme et Valérie, ce sont les deux personnages principaux, sortent d'un bac plus un, d'un DEUG non terminé, et parviennent en fait à se positionner comme directeur d'agence publicitaire en province. Pour eux, c'est un petit déclassement que de quitter Paris pour Bordeaux, si on comprend bien le trajet du train, à la fin des choses de Perec. Mais effectivement, un baccalauréat permettait, à l'époque, un baccalauréat plus un an, permettait d'avoir une position de cadre supérieur dans les années 1960. Aujourd'hui, bac plus un ou deux ne permet qu'à peine d'échapper à cette nouvelle classe ouvrière que sont les ouvriers qualifiés et les employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un baccalauréat technologique correspond plus à une situation d'ouvrier qualifié intérimaire. Et pour des jeunes de 30 ans, ouvriers qualifiés intermédiaires, intérimaires, alors même que leurs parents à bac moins 5 et souvent illettrés étaient ouvriers de base, mais avec un emploi stable tout au long de leur existence qui leur a permis d'acheter un pavillon dans la banlieue de Mulhouse ou d'ailleurs, on détecte effectivement des courants d'ascension sociale très forts dans les années 60-70 et qui se sont inversés même pour des diplômés assez importants. Ce que l'on mesure sociologiquement en macrosociologie, c'est la remontée par capillarité sociale dans la pyramide des diplômes de problèmes sociaux qui étaient naguère 30 ans plus tôt réservés à des niveaux de diplôme 3 ou 4 années en deçà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour accéder à une position de cadre avec quelques responsabilités, il faut absolument au moins un master. Même chose du côté des instituteurs. La plupart des instituteurs ou institutrices recrutés aujourd'hui sont des personnes avec un ou deux masters et qui ont, ayant eu des difficultés d'insertion dans le monde du travail, passent le diplôme de professeur des écoles avec succès. Quand on se rappelle les trajectoires dans les années 1970 de jeunes issus de la classe ouvrière, dans les années 70, qui à l'âge de 16 ans obtenaient une bourse d'État avec engagement après le baccalauréat, donc à 16 ans et dans 2 ans après le baccalauréat, ces jeunes boursiers s'engageaient à rentrer dans les écoles normales d'instituteurs. Cette génération-là, d'instituteurs et d'institutrices, cette génération-là était des modèles d'ascension sociale pour les jeunes des classes populaires de l'époque. Aujourd'hui, ne sont plus du tout ce modèle-là. Et justement, Louis Chauvel, vous venez de donner une préface à l'ouvrage de l'historien Walter Schedel, Une histoire des inégalités, une histoire des inégalités sur le temps long, puisqu'il va de l'âge de pierre au 21e siècle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Walter Schedel sera l'invité de la camarade Olivia Gesbert, qui le reçoit à sa grande table mardi prochain. Il y a une idée toujours percutante dans l'histoire de déclassement, c'est une chose, inégalité, c'est une chose, mais comment lutter contre le déclassement? En quelques mots, Louis Chauvel, la sortie du déclassement n'est jamais facile quand il est question d'une société ou d'une classe de la société entière. Oui, le point important, c'est que Walter Scheidel s'appelle surtout Walter Scheidel, Walter. Parce qu'il est né à Vienne. Voilà, il est né à Vienne, même s'il est professeur à Stanford maintenant, et c'est quelqu'un qui a été marqué par des générations plus anciennes, par Stefan Zweig, par Walter Benjamin, par Karl Mannheim, par tout autant de Budapestois, Viennois et de personnes de cette génération-là qui ont connu la Première Guerre mondiale et l'explosion des classes de bourgeois moyens supérieurs. Et Walter Scheidel a une mémoire très très claire de ce moment de rupture extrême de la Première Guerre mondiale dont on connaît l'aspect catastrophique. Scheidel, dans son bouquin, est absolument enfin, on peut espérer un troisième reconfinement parce que c'est un bouquin de 700 pages, mais le point important, c'est qu'il défend le fait que pour réduire une société extrêmement inégalitaire, susceptible de créer du déclassement d'une part et des frustrations de masse de l'autre, les quatre seules sorties possibles sont la guerre totale, la révolution sanglante, l'effondrement de l'État, on retrouve Jared Diamond et l'effondrement, et la quatrième sortie d'inégalité extrême, c'est la pandémie. Aujourd'hui, avec la pandémie que nous connaissons, nous pouvons nous attendre à de grandes transformations sociales où déclassement et reclassement seront à l'œuvre. Quand on parle de grand déclassement, il faut avoir en vue le déclassement systémique de l'ensemble de la sphère occidentale, Europe et États-Unis, par rapport à la réémergence de l'empire chinois aujourd'hui. Et ce déclassement systémique est extrêmement intéressant pour nous contemporains, simplement parce que Europe, États-Unis, nous n'avons cru que de 20% sur la dernière génération, alors que la Chine et bien d'autres pays d'Asie ont doublé en produit intérieur brut, ils ont doublé pendant que nous connaissions seulement 20% de croissance. Cela assure dans le monde chinois et bien d'autres pays des BRICS de nouvelles générations en ascension sociale, justement, qui exigent leur place sur la planète. Et voilà, donc ces nouvelles générations qui exigent leur place, oui, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir en ces générations. Une histoire des inégalités, c'est la préface de l'ouvrage de Walter Scheidel. Louis Chauvel, merci beaucoup. Et puis je rappelle aussi votre ouvrage sur le destin des générations ou la spirale du déclassement avec cette bonne nouvelle pour en sortir. Parmi toutes les raisons, il y a une grande pandémie. Ah bah ça tombe bien, elle est là. Et puis merci vivement aussi Claude-Isabelle Brelot. Et je rappelle que vous avez participé à l'ouvrage collectif L'expérience du déclassement social. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Quand la généalogie s'empare de la politique contemporaine en Turquie? Les grands anciens envahissent la Turquie. C'est une rencontre que l'historien Olivier Bouquet nous raconte dans un article du dernier numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine. Après un premier article publié il y a 8 ans sur l'histoire des noms de famille en Turquie, l'historien est interpellé par un homme, Kadir Güney, qui tente de sortir le lignage prestigieux de sa femme et donc de sa belle famille des doutes qui l'entourent. Au cœur de cette enquête, Mehmet Fouad Koprulu, né en 1890 et mort en 1966, un historien turc de renom dont on conteste les lettres de noblesse. Un de ses ancêtres aurait abusivement utilisé ce patronyme pour se relier à Mehmet Koprulu Pacha, fondateur d'une lignée ottomane. Pourquoi cette affaire est-elle si importante ? Car prouver ses liens de sang avec les grandes familles de l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'Empire turc fondé au XIIIe siècle et disparu après la Première Guerre mondiale, est devenu un enjeu majeur en Turquie aujourd'hui. La mise en cause des origines fabuleusement ottomanes de la femme de Güney risque de lui faire perdre en prestige. Depuis l'arrivée du Parti de la Justice et du Développement en 2002, le parti islamique du président actuel Recep Tayyip Erdogan, les références à l'histoire politique de la Turquie sont bouleversées. Alors que pendant 70 ans, les fondateurs de la démocratie turque, Mustafa Kemal Atatürk et ses compagnons étaient à l'honneur, aujourd'hui c'est son passé impérial, avec une politique étrangère tournée vers les anciens territoires ottomans, qui transforme la culture politique et les représentations des citoyens turcs vis-à-vis de leur passé. Autrement dit, pour retrouver de l'envergure internationale, on se tourne vers les épisodes historiques plus anciens, où l'influence turque s'étendait bien au-delà des frontières de la nation actuelle. Le gouvernement sature l'espace médiatique de références au passé impérial islamique, soutenu par les manuels scolaires, les publications de biographies, les magazines d'histoire, sans oublier les fictions qui fleurissent, comme la série « L'essor de l'Empire ottoman » diffusée sur Netflix, qui relate à grands moyens la conquête de la Byzance chrétienne en 1453 par le sultan Mehmet II, qui en fera Constantinople le cœur de l'Empire ottoman. Et qui conquiert Constantinople ? Have the world. I just woke from a dream. So my father, he has commanded me to take Constantinople. L'histoire de l'Empire ottoman prend sa revanche et les familles ottomanes avec elle. Dans la presse turque, on analyse les orientations de la politique néo-ottomane d'Ankara au prisme des généalogies impériales. Et avec cette nouvelle passion généalogique arrivent les affaires d'usurpation. Cette ré-ottomanisation des grandes familles entraîne entre Olivier Bouquet et Kadir Güney une discussion qui suit les méandres tortueux des arbres généalogiques. On s'entortille un peu dans les branches, le père de la mère, du cousin, du frère de la tante, mais l'intérêt de cette rencontre est ailleurs. L'historien ne prend pas parti dans ces discussions, mais ces échanges lui permettent d'éclairer les enjeux du processus de cette culture d'ennoblissement en Turquie, de nouvelles mises en forme de soi qui dessinent l'imaginaire symbolique et politique des élites. Des élites qui modifient la source de leur légitimité pour conserver leur influence dans la Turquie actuelle. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrin, c'est Maïwen Gizio. Toute la série sur l'histoire des inégalités est à écouter sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous partons, ah, ça va faire du bien, nous allons nous aérer, une petite balade à Pompéi.